إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 6 dans l'explication du livre du Cheikh Abdussalam ibn Burjis al-Abdul Karim rahimahullah qui s'intitule Al-Mashru'u wal-Mamnu'u min at-Tawassul, c'est-à-dire qu'est-ce qui est légiféré et qu'est-ce qui est interdit vis-à-vis du Tawassul. Et alhamdulillah, je suis vraiment content d'avoir fait ce livre et d'avoir choisi ce sujet, parce que c'est un sujet, comme j'ai expliqué dans les cours précédents, qui est souvent mentionné comme shubha de la part des gens de bid'a parmi les soufiyas, parmi les shi'a rafida et parmi les ahbash, hein, les asha'ira, les maturidiyah. C'est souvent chez eux qu'on retrouve ce genre de shubuhat, et donc ils propagent ces shubuhat là sur internet dans leur site, et ils essaient de justement faire de ce sujet-là une question sur laquelle ils veulent critiquer les salafis, ceux qui s'accrochent au Coran et à la Sunna et à l'aqida des salafs. Et donc, c'est une occasion donc de clarifier ce sujet-là, de faire en sorte que les choses soient claires. Et j'avais mentionné le fait que on retrouve ça aussi dans les idées de certaines têtes de l'égarement à notre époque, et de certains prêcheurs d'égarement qui mentionnent ce sujet-là comme étant une question de divergence de fiqh. Hein? Et c'est étonnant, yani, puisque d'un côté ils disent que c'est une question de fiqh, mais d'un autre côté, hein, on sait que c'est relié à la aqidah, puisque celui qui demande à autre qu'à Allah qui prie des morts et des saints, ça c'est du shirk majeur, donc c'est relié à la aqidah. Hein? Mais d'un autre côté, on s'étonne du fait qu'ils prétendent que c'est une question de divergence de fiqh, d'ijtihad, et qu'en même temps ils l'utilisent pour traiter d'égarer les salafis. Et parce que nous on refuse d'invoquer les morts et d'adorer les tombes, donc eux ils nous critiquent pour ça en disant qu'on n'a pas de respect pour les hommes pieux et qu'on ne respecte pas les hommes pieux et les saints. Yani, subhanallah. Donc d'un côté, ils disent que c'est une divergence de fiqh et qu'on ne devrait pas les critiquer pour ça, et d'un côté eux ils nous critiquent pour la même raison, alors que on leur explique justement que c'est pas une divergence qui est simplement une divergence d'ijtihad ou de fiqh entre les ulama. Donc il y a ce point là qui est important. Donc on a expliqué au dernier cours l'exemple de Hassan al-Banna, hein, et de ceux qui l'ont suivi par la suite, qui ont répété la même idée et le même point que lui, en prétendant que c'était une question, une divergence de fiqh. Hein? Donc ça, on retrouve ça souvent chez ces gens-là. Et même ils disent que les divergences qui existent entre les musulmans d'Ahl Sunnah et les Rafidah, hein, les égarés parmi les Rafidah, ils disent que ça c'est juste des petites divergences de fiqh. Et ils pensent que c'est juste une question de divergence de madhab, comme la différence entre le madhab maliki et le madhab shafi'i et le madhab hanbali et le madhhab hanafi. Donc il dit ça, c'est là, ça c'est des divergences entre les fuqaha. Donc la divergence avec les rafida, c'est la même chose. Eux, ils ont un autre fiqh, c'est le fiqh ja'fari. Et donc il n'y a pas de différence dans les fondements, dans la aqida et dans le manhaj. Alors que c'est faux, puisque c'est des gens qu'on sait que ce sont des gens qui font du shirk. Ils adorent les tombes des descendants de Ali, hein, et ils les prennent pour des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. On sait également qu'ils ne croient pas au Coran tel qu'il est aujourd'hui. Ils disent que ce n'est pas le vrai Coran qu'on possède, qu'il y a un autre, qu'il y a un autre Coran qu'ils appellent le Mus'haf de Fatima. Ils disent que c'est l'imam Mahdi, l'imam caché, qu'il l'a avec lui, et que depuis 1200 ans, il est caché en état d'invisibilité, et qu'il va apparaître dans la fin des temps avec son nouveau Coran pour guider les hommes. Donc ça, c'est des égarements qu'on retrouve dans les livres des Rafida. De même qu'ils insultent les Sahaba. Et ils croient que tous les Sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont devenus kuffar parce qu'ils ont choisi Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu au lieu de Ali ibn Abi Talib. Hein? Donc, du fait qu'on n'a pas pris Ali comme khalifa, donc on est devenu kuffar. Toute la Ummah, tous les Sahaba sont tous devenus kuffar après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté 4 ou 5. Hein? Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est des erreurs et des égarements dans les fondements de la aqida, dans les fondements de la religion. Quelqu'un ne peut pas prétendre que c'est des petites divergences de fiqh entre des fuqaha ou des questions d'ijtihad. Et c'est pour ça que ces gens-là, ils ont été réfutés. Et dernièrement, par exemple, Youssef al-Qardawi, qui pendant des années et des années a été à la tête de ceux qui, justement, appelaient à l'union et à la réconciliation ou la réunion entre les Rafida et les gens d'Ahl al-Sunnah, dernièrement, il a commencé à, tout d'un coup, réaliser qu'il était dans l'erreur. Après toutes ces années d'acharnement dans le faux, et il a admis, Allahu alam, Allah seul sait pour quelle raison il a admis ça, parce que c'est pour des raisons politique ou autre, Allahu a'lam. Mais bon, on est habitué avec les Ikhwan, avec toutes sortes de Russes qu'ils ont. Mais il a admis, il a dit, il semble que nos machaires de l'Arabie Saoudite avaient raison sur la question des Rafida et que lui, il avait tort. Donc il a admis que les ulama d'Ahl al-Sunnah, les ulama salafiyin de l'Arabie Saoudite, c'est eux qui avaient raison par rapport à leur position vis-à-vis des Rafida, et c'est maintenant qu'ils commencent à se réveiller. Bon, il n'est jamais trop tard pour se repentir, mais c'est juste une de ses erreurs, et il doit corriger beaucoup d'autres de ses égarements aussi. Maintenant, on va passer sur ce point, on va rentrer dans le nouveau chapitre maintenant qu'on veut étudier dans le nouveau point que le cheikh veut expliquer dans le livre. Le cheikh, il a un chapitre ou une partie qui s'intitule Al-Farq bayna at-tawassul bi dawat al-makhluqat ila Allah wa du'a al-makhluq min dunillah. Ça là, c'est un point très très très important. La différence entre le fait de faire le tawassul par les créatures en demandant à Allah et le fait de faire un du'a directement à une créature en dehors d'Allah. Hein? Il y a une différence entre les deux, et la différence peut parfois sembler subtile pour certains qui ne font pas attention au vocabulaire ou aux mots qu'on emploie ou à la façon dont on dit les choses. Des fois, les gens peuvent se faire avoir facilement par des petits jeux de mots comme ça. Tu vois, certains, par exemple, parmi les soufis, ils vont utiliser le terme tawassul. Certains parmi eux vont utiliser le terme istirata. Certains parmi eux vont utiliser le terme shafar, mais ils veulent toujours dire par là soit invoquer un mort ou un saint en dehors d'Allah, ou bien ils veulent dire par là de faire la bid'a, de demander à Allah par le nom d'un saint. Dans les deux cas, c'est soit que c'est shirk akbar ou soit que c'est une bid'a, hein, et un shirk asghar. Mais dans les deux cas, c'est interdit, c'est quelque chose de haram, c'est quelque chose de dangereux et de grave. Donc, il faut faire attention. c'est comme l'autre, comment il s'appelle, Imran Hussein, hein, c'est un soufi, qui appelle à plein d'égarements, et qui a une aqida complètement corrompue, qui est mélangée dans tous les aspects de la compréhension des fondements de l'islam, et qui rajoute à ça des délires dans la façon d'interpréter les signes du jugement dernier, et dans la façon de parler de qu'est-ce qui se passe dans la politique dans le monde actuel. Bon, parce que les gens à notre époque, ils sont curieux par rapport à qu'est-ce qu'ils appellent les Illuminati, puis la franc-maçonnerie, puis tous ces trucs-là. Donc, du moment que quelqu'un commence à spéculer, puis émettre des hypothèses sur ce sujet ou sur ces questions-là, ils commencent à s'intéresser, même s'ils n'ont aucun moyen de vérifier quoi que ce soit de ce qui est dit. Souvent, c'est des hypothèses invérifiables. Mais bon, il y en a qui aiment ça perdre leur temps avec ce genre de sujet-là, malheureusement. Donc, il dit dans son site officiel en français, c'est écrit dans ceux qui ont organisé le site, ils ont mis dans le site, justement, un de ses propos par rapport à la question. Et juste pour vous donner un exemple de ça, je vais vous lire le passage pour que vous compreniez le danger de ces gens-là, qui appellent à ces idées-là. Parce que c'est vraiment... ça devient grave. Vous lire la parole. Il dit donc, ça c'est sur le site de Imran Hussein, il dit, il n'est pas du tout shirk de dire, ô messager d'Allah, interfère pour moi auprès d'Allah par ta shafa'a. Ou bien de dire, ô messager d'Allah, prie pour moi que Allah me pardonne. Il dit, cette intercession s'appelle en islam la shafa'a, et elle a été donnée par Allah à un seul être parmi toutes ses créatures, Muhammad, que la paix et les salutations soient sur lui. Donc ça, c'est un exemple clair de shirk majeur, shirk akbar, qui fait sortir quelqu'un de l'islam s'il le fait. Pourtant, lui, il dit que ce n'est pas du tout shirk. Donc, tu vas demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa tombe, alors qu'il est mort, de te donner que tu lui demandes de te donner la shafa'a, ou de demander à Allah pour toi la shafa'a, alors qu'il est mort maintenant, dans sa tombe, ça c'est pas possible. Ou bien tu demandes au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier pour toi, ça c'est exactement ce que font les chrétiens, les catholiques, quand ils vont voir les saints, c'est ça ce qu'ils font. Ils disent, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Ça c'est dans leurs enseignements, dans les prières que tous les catholiques font, ils ont la prière qui s'appelle « Je vous salue Marie ». Et dans cette prière-là, à chaque fois, il dit même Sainte Marie, Mère de Dieu. Et des fois, il dit Sainte Marie, pleine de grâce, priez pour nous, pauvres pécheurs. Comment tu demandes à un mort de prier pour toi? Ça, c'est du shirk. Tu dois toi-même prier à Allah, demander à Allah qu'il te donne la shafa'a du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis, oh Allah, donne-moi la shafa'a de ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et fais-moi avoir les causes et fais en sorte que je respecte les conditions qui feront que je vais mériter cette shafa'a. C'est-à-dire d'être sur le tawhid et d'appliquer le tawhid et de ne pas faire le shirk et de m'accrocher à la religion d'Allah et de suivre sa sunna et de s'écarter des bid'a. C'est ça qui va faire que tu vas mériter la shafa'a. Et Abu Huraira, il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé, il dit, qu'est-ce que je dois faire pour mériter, ou quelles sont les personnes qui vont mériter le plus ta shafa'a au jour de la résurrection. Il a expliqué que, dans le hadith, qu'il faut justement appliquer et respecter la foi en la ilaha illallah et d'adorer rien avec Allah et de ne pas faire de shirk. Que celui qui fait le shirk, celui qui ne fait pas de shirk et qui s'écarte du shirk, c'est lui qui va mériter la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu demandes au prophète dans sa tombe, tu commets du shirk, donc tu t'exclus de la shafa'a. Tu t'exclus de ceux qui ont le droit d'avoir et de posséder cette shafa'a au jour de la résurrection parce que tu commets le seul péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. C'est le shirk avec Allah. Donc lui, il est en train de dire que ça, c'est pas du shirk. Et ça, on retrouve ça où? Sur son site officiel, Imran Hussein. Donc, ça, ça nous donne une leçon en même temps, juste en passant. La leçon, c'est quoi? C'est méfiez-vous des gens qui ont des discours politiques. Parce que les gens qui ont des discours politiques, souvent, l'utilisent pour cacher autre chose. C'est-à-dire qu'ils cachent autre chose derrière. Hein? Quand tu vois des gens qui parlent juste de politique au nom de l'islam et qui parlent, qui critiquent des gouvernements, des dirigeants et des choses de ce genre, souvent c'est pour cacher d'autres problèmes qu'ils ont dans leur aqida. Parce que quand ils vont parler d'aqida, ils savent que les gens vont pas les écouter. Parce que ce sont des gens qui ont des égarements et qui sont clairs et apparents. Des égarements évidents. Donc ils parlent pas de leur aqida justement pour pas que les gens réalisent qu'ils sont des égarés. Ils vont parler de d'autres sujets. Et ils vont parler de d'autres sujets de manière avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations. Hein, donc, à cause de ça, les gens vont les écouter, vont penser que c'est des gens qui veulent le bien. Comme les Rafidah, par exemple, en Iran, qu'est-ce qu'ils font, les Rafidah? Ils ne font que parler de politique. C'est rare que tu vas entendre des Rafidah parler et expliquer leur aqida aux gens. Pourquoi? Parce qu'ils savent que personne ne va écouter ces croyances-là qu'ils ont. Personne ne va les accepter s'ils les disent directement, clairement. Hein? Mais ils parlent de politique, ils parlent de « Oh, les Américains ci, oh, les Américains ça, oh, les puissances occidentales, oh, les ci et ça. » Mais quand c'est le temps de parler d'Aqida, zéro. Et la même chose chez les Ikhwan, la même chose. Tu vois, Tariq Ramadan, il parle de politique tout le temps. Il parle, tous ses discours, c'est comme de la politique seulement. Hein? Et quand il parle de ces choses-là, qu'est-ce qu'il dit? Il commence à critiquer un et critiquer l'autre. Mais quand c'est le temps de parler de l'Iran, ah là, il devient comme un mouton avec l'Iran. Hein? C'est le meilleur pays, ils sont démocratiques, ils sont ci, ils sont ça. Quand il parle de l'Arabie Saoudite, mon Dieu, c'est comme si c'était les pires koufars qui existent sur la Terre, quand il parle de l'Arabie Saoudite. Hein? Mais quand il parle de... On voit les deux extrêmes. Quand il parle des Rafidah, hein, les adorateurs de tombes, puis les gens qui font le takfir des Sahaba, il est doux comme le miel. Quand il parle des koufars de l'Europe et de l'Occident, des laïcs, il dit toujours « Oh, mais il ne faut pas voir que le mal, il y a du bien en Europe, il y a du bien hein, chez les koufars, il ne faut pas voir juste le mal. » Mais quand il parle de l'Arabie Saoudite, qui est le pays du tawhid, le pays de l'aqida, et qui défend la sunna, et qui combat les bid'a et le shirk, ah non, c'est comme s'il parle des pires koufars, c'est comme s'il parlait du diable, subhanallah. Peut-être même pour le diable, il va trouver des excuses, mais pas pour l'Arabie Saoudite, non. Donc ça, c'est la réalité de ce qu'on voit chez ces gens-là. Méfiez-vous des gens qui couvrent leur discours par des trucs politiques. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh, il commence, il explique. Il dit, بَقِيَ مَسْأَلَتَانْ مُهِمَّتَانَ الْأُولَى أَنَّهُ يَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ التَّوَسُّلِ بِذَوَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَبَيْنَ دُعَاءِ الْمَخْلُوقِ وَسُؤَالِهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَمِثَالُ التَّوَسُّلِ بِذَاتِ الْمَخْلُوقِ أَوْ بِجَاهِهِ أن يقول القائل اللهم اغفر لي وارحمني وأدخلني الجنة بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهذا بدعة وليس بشرك فإن كان المتوسل به غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرك أصغر لا يخرج من الملة كقوله اللهم بجاه العباس أو عبد القادر ونحو ذلك. Donc, on va expliquer. Le cheikh, il dit, il y a deux questions très importantes à clarifier. Il a dit, la première chose, c'est qu'il faut distinguer entre le tawassul qu'on fait en mentionnant des créatures, hein, et qu'on fait le tawassul vers Allah en mentionnant le nom des créatures, ça c'est différent, et le fait d'invoquer des créatures directement et de leur demander en dehors d'Allah, ça c'est autre chose. Donc c'est deux choses. demander à Allah en mentionnant des noms de créatures ou des êtres humains, ça c'est une chose, et demander directement aux créatures en dehors d'Allah, ça c'est autre chose. Donc le cheikh il va donner des exemples des deux cas. Il dit, l'exemple du tawassul à Allah, tu fais le tawassul à Allah en mentionnant des créatures ou en mentionnant le statut ou le degré ou le droit des créatures, c'est comme l'exemple de celui qui dirait par exemple, « Oh Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, fais-moi rentrer au paradis par ton prophète Mohammed. » Ou bien par le degré de ton prophète Mohammed. Le cheikh dit « Ça c'est une bid'a et c'est pas shirk. » Ça c'est une bid'a et c'est pas shirk. C'est-à-dire on n'a pas le droit de faire ça parce que c'est une innovation. Le prophète Mohammed n'a jamais enseigné ça, il n'a jamais fait ça, et les sahaba non plus. Et le cheikh il dit, par contre, si on fait la personne qui fait le tawassul à Allah mentionne le nom d'autre que le prophète, dans ce cas-là, c'est une forme de shirk mineur, shirk asghar, qui ne fait pas sortir de la religion. Comme par exemple quelqu'un qui dirait, oh Allah, je te demande par le degré ou le statut de Al-Abbas ou le statut de Abdul Qadir al-Jilani ou des personnes de ce genre. Hein? Donc ça c'est un exemple de tawassul. Tu fais un tawassul à Allah, tu cherches un moyen de te rapprocher d'Allah par une invocation, mais en même temps tu mentionnes le nom d'une créature, hein, et tu mentionnes un homme saint ou un homme pieux. Donc ça fait partie des exemples. Et ici à Montréal, il y a une mosquée, subhanallah, l'imam dans cette mosquée-là, il faisait des khutbas, puis dans sa khutbah à la fin, il fait des formes de tawassul comme ça, qui sont des bid'ah. Hein, et il demande à Allah par le nom du prophète. Hein, comme l'imam marocain à la mosquée MCQ, il a fait ça plusieurs fois. Même que dans une des khutab qu'il a fait, il mentionne justement un hadith qui est maudour, qui est fabriqué, qui n'a même pas d'isnad, qui n'est pas authentique du tout. Et tous les ulama ont mentionné que ce hadith-là, il est fabriqué. Hein, c'est même pas un hadith. Hein, mais ça fait partie des mensonges que les soufis propagent. C'est quoi ce hadith? C'est l'histoire que il prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est créé de. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est créé de la lumière d'Allah, et qu'il n'avait pas d'ombre. Hein? Là, c'est une aqida que les soufis ont. Ils disent que la première chose que Allah a créée, c'était la lumière. Ils disent la première chose qu'Allah avait créée, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que c'était sa première créature et qu'il l'avait créée de sa lumière. Et donc il raconte une histoire qui dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam, Adam s'est levé après que Allah ait fait souffler l'âme dans son corps. Il s'est levé et il a regardé sur le trône. Et il a vu le nom d'Allah et le nom du prophète écrit sur le trône, comme Muhammad Rasulullah ou quelque chose comme ça. Alors, il a dit, c'est qui, qui est Muhammad ou quelque chose comme ça. Puis il a dit, comme dans le hadith, il raconte, ou dans l'histoire, il raconte que Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu que c'était pour lui que Allah avait créé le monde ou des choses comme ça. Et qu'il a créé de sa lumière ou des trucs de ce genre. Tout ça, c'est des histoires, yani. C'est des choses fabriquées, yani, inventées de toutes pièces. Ça n'a aucune forme d'authenticité. Yani. Mais pourtant, les soufis s'accrochent à ça comme, yani, si c'était des vérités absolues. Hein? Donc, le pire, c'est pas ça. C'est que, après avoir raconté ce hadith-là ou cette histoire-là, cette fausse histoire, eh bien, l'imam en question, il a dit, ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Yani, subhanallah, comment tu peux attribuer ce mensonge et cette fausseté-là à l'imam Al-Bukhari, hein? Donc, tu dis ça aux gens, les gens ils écoutent, ils disent ça c'est rapporté par Al-Bukhari, alors que c'est même pas rapporté par Al-Bukhari, et c'est rapporté dans aucun livre de hadith authentique. Et ceux qui veulent vérifier ça, justement, l'imam Ibn Taymiyyah, dans son livre Qa'idatun fi al-wasila wa al-tawassul, il a fait Tawassul wal Wasila, il a mentionné toutes les histoires que les soufis utilisent pour essayer justement de justifier ce genre de shirk ou de Tawassul. Et il a rapporté cette histoire-là, il a dit ça, c'est quelque chose qui est fabriqué. Et aussi dans le livre Al-Istirata de l'imam Ibn Taymiyyah, qui s'appelle aussi, qui est intitulé parfois aussi Ar-Raddu al-Bakri. Hein? Il a mentionné ce genre d'histoire-là aussi, et il a mentionné que c'est des choses qui ne sont pas authentiques. Ce n'est pas authentique ce genre de truc. Mais il le rapporte et il le raconte, et je me rappelle d'avoir rencontré des musulmans de différentes origines, certains qui venaient du Bangladesh, certains qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, et une fois, je me rappelle, il y en a un qui m'avait dit, il parle des Arabes, parce que lui, eux, ils ne sont pas des Arabes, donc ils disent, nous, on a des hadiths que les Arabes ne connaissent pas. Et yani, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait rire. Parce que c'est comme s'ils s'imaginent que, yani, eux, ils sont plus, yani, ils avaient plus de connaissances du Coran et de la Sunna que les ulamas des pays arabes, ou que ce soit, yani. C'est pas une question d'arabe ou non-arabe ici. C'est une question de aqidah, c'est une question de din. Et les textes de la religion, yani, si ceux qui sont authentiques sont connus par les ulamas, peu importe leur origine. Mais si c'est des hadiths qui ont été déclarés fabriqués ou faux, yani, peu importe que tu sois d'une origine ou d'une autre, si c'est faux, c'est faux. Hein? Faut pas commencer à mélanger, en plus de mélanger la bid'a avec une question de nationalité ou d'origine ou de couleur ou de culture en même temps. Donc, pourquoi ils font cette distinction-là? Parfois, c'est justement pour ça. Faut essayer de faire un lien entre la culture puis la religion pour essayer de dire nous on s'attache plus à la religion que les Arabes, nous on est plus religieux, plus pieux que les Arabes, et ça bien entendu yani, ça fait rentrer la djahiliya encore dans la question, ça fait yani, que la question qui était une erreur de aqid à la base déjà, eh bien elle est encore plus enlaidie, hein, plus enlaidie en rajoutant dedans des questions de djahiliya et de tribalisme, de nationalisme. Allah musta'an. Bon, ensuite, donc ça c'est l'exemple pour le tawassul qui est une bid'a, le fait de demander à Allah, mais en mentionnant le nom d'une créature, hein, en disant, bon, par le statut du prophète, ou le statut de Abdul Qadir al-Jilani, ou ainsi de suite. Maintenant, il y a l'autre exemple, celui qui invoque autre que Allah directement. Et ça, c'est shirk akbar, comme le shirk, il va l'expliquer. Il dit, وَأَمَّا دُعَى الْمَخْلُوقِ كَمَا يَدْعُ اللَّهِ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرِّجْ كَرْبِي أَوْ اِقْدِ دَيْنِي أَوْ اِشْفِ مَرِيضِي فَهَذَا لَيْسَ تَوَسُّلًا وَإِنَّمَا هُوَ شِرْكٌ أَكْبَرُ يُخْرِجْ صَاحِبُهُ مِنَ الْمِلَّةِ يخرج صاحبه من الملة لأن الدعاء عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر بالإجماع. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la personne qui invoque une créature et qui demande yani, à une créature comme il demande à Allah, ça c'est du shirk akbar. Comme par exemple celui qui dit, ô messager d'Allah, délivre-moi de mon malheur, règle ma dette et guéris mon malade. Celui qui dit ça, ô messager d'Allah, délivre mon malheur ou règle ma dette ou guéris mon malade, il dit ça, c'est pas du tawassul, ça n'a rien à voir avec le tawassul, ça c'est du shirk, hein, akbar, majeur, qui fait que la personne qui le commet sort de la religion musulmane, devient un mushrik. Parce que le fait d'invoquer, de faire une invocation, c'est une adoration. Et de détourner l'adoration à autre que à Allah, hein, d'offrir l'adoration à autre que à Allah, c'est une forme de shirk majeur selon le consensus des savants de l'islam. Il n'y a aucune divergence là-dessus. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ces gens-là lorsqu'ils mentionnent la question de tawassul. Parfois ils mentionnent le terme tawassul alors que ce qu'ils font c'est du shirk. Akbar, c'est du shirk majeur, hein? Donc c'est très dangereux et c'est très grave. Le cheikh il dit ensuite wa qala ta'ala li nabiyhi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin wa qala ta'ala ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وقال تعالى من يدعو مع الله إله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أم أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا هذا حكم من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فلا يلتبس هذا بمسألة التوسل فالتوسل شيء ودعاء غير الله شيء آخر. Donc le cheikh il ramène les preuves que d'invoquer d'autres que Allah c'est shirk, hein? Et il mentionne des versets dans le Coran à ce sujet-là. Donc il mentionne par exemple le verset 6 dans Surat Yunus, le verset 106 dans Surat Yunus, et c'est le verset qui dit n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire, et si tu le fais tu seras alors du nombre des injustes, hein? Et juste en même temps le verset 108 qui est il y en a deux versets plus bas ou un deux versets après, et qui dit, je pense que j'ai oublié le numéro du verset, mais bon, le verset ça dit وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils invoquent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intermédiaires, hein, nos intercesseurs, hein. Ce sont nos intermédiaires et nos intercesseurs auprès d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allez-vous apprendre à Allah ce qu'il ne connaît ni dans les cieux ni sur la terre, hein? Qu'il soit exalté de ce qu'il lui associe, hein? Qu'il soit exalté et élevé, hein, de ce qu'il lui attribue, de ce qu'il lui associe, hein, du shirk qu'ils font avec lui. Donc c'est le verset donc, qui mentionne, donc, comme l'exemple de tout à l'heure quand j'ai mentionné Imran Hussein, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que faisaient les mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leurs idoles? Eh bien, c'est la même chose que qu'est-ce que ces gens-là font aujourd'hui avec les hommes pieux et les saints auprès de leur tombe. Après, le cheikh, il mentionne un autre verset qui dit, le verset 62 dans Surat al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et cela c'est parce que Allah, c'est la vérité. Et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est la fausseté, c'est le mensonge. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le très haut et le très grand. Et le verset 117, dans le verset Al-Mu'minun, dans Surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et quiconque invoque avec Allah une divinité autre, qui n'a, au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve, eh bien son jugement appartient à Allah. Et il ne donne certes pas le succès aux mécréants. Donc celui qui invoque une divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec Allah, eh bien, c'est clair qu'il n'a pas de preuve pour ce qu'il fait. Puisqu'il n'y a pas de preuve pour le shirk. Et c'est Allah qui va le juger, et il ne donne pas le succès aux mécréants, hein, aux gens qui font le shirk. Et il mentionne le verset dans Surat Az-Zumar, le verset 38, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient Allah. C'est-à-dire que les mouchriquins de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils connaissaient Allah. Ils savaient que Allah existe. Ils savaient qu'il était unique. Ils savaient que c'est lui seul qui a créé les cieux et la terre. Sauf qu'ils faisaient le shirk en associant avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et en prenant des intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration. Comme ce que font aujourd'hui ces gens-là en demandant à des morts et des saints. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, Qul, dit au Muhammad, est-ce que avez-vous vu ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi ou dites-moi si Allah subhanahu wa ta'ala me veut un mal quelconque, est-ce que ceux que vous invoquez en dehors d'Allah pourront m'en délivrer, me délivrer de ce mal? Et dites-moi si Allah subhanahu wa ta'ala me veut une miséricorde quelconque, est-ce que ceux que vous invoquez en dehors d'Allah seront capables de retenir cette miséricorde que Allah veut me faire? Dit, Allah me suffit. Et c'est en lui que ceux qui mettent leur confiance doivent mettre leur confiance. C'est-à-dire que ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, peu importe qui ils sont, que ce soit des saints ou des hommes pieux, ou des prophètes, ou des anges, ou des idoles, ou des djinns, ou des statues, ou des arbres, ou des constellations, ou peu importe, si Allah me veut du bien, elles ne pourront rien faire pour l'arrêter. Si Allah me veut un mal, ils ne pourront rien faire pour l'empêcher. Donc, c'est Allah qui décide tout. Et c'est Allah qui contrôle tout. Et c'est à lui donc qu'il faut demander seulement, et non pas à des créatures. Donc, Allah me suffit. Et c'est en lui que je dois mettre ma confiance si je cherche à mettre ma confiance en quelque chose. Hein? Donc, c'est clair ce verset-là pour interdire le shirk. Comme ceux qui croient en des statues ou des idoles ou en des porte-bonheur ou autre. Et le cheikh il dit dans le verset 18, wa anna al-masa, il mentionne le verset 18 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie wa anna al-ma, yani le verset dit wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma Allahi ahada, ce qui signifie en français et les mosquées appartiennent à Allah, alors n'invoquez personne avec Allah. N'invoquez personne avec Allah. Donc le cheikh dit, ça c'est le verdict du fait d'invoquer d'autres que Allah. Dans ce que seul Allah peut faire. Dans ce que seul Allah est capable de faire. Donc ne mélange pas. Ne sois pas mélangé dans la question du tawassul. Parce que le tawassul c'est une chose. Hein, de demander à un homme pieux de faire un doigt pour toi alors qu'il est vivant. Et qu'il est présent, et le fait d'invoquer autre que Allah, c'est une autre chose. Hein? Invoquer autre que Allah, c'est du shirk. Donc, c'est pas du tawassul. Hein? Et donc, il faut bien comprendre ces choses-là, il faut bien distinguer entre le vrai et le faux dans ces questions-là. Donc, aussi les soufis, parfois c'est ça ce qu'ils font comme shubha, ils ont une shubha qu'ils disent à ce sujet. Ils disent, quand on appelle les morts et les saints, quand on leur dit « Ya Abdul Qadir al-Jilani, Ya Ahmed Tijani, Ya Fulan, Ya Fulan hein, », ils les appellent au secours en dehors d'Allah. Donc, ils disent, ça c'est pas de l'adoration, ça c'est juste un appel qu'on fait. Et subhanallah, un appel que tu fais à un mort, ça c'est du shirk et c'est de l'adoration, puisque le dua c'est quoi? C'est un appel. Hein? Exactement. Et même que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne l'appel, le terme, le mot en arabe de l'appel, c'est an-nida. Hein? An-nida. Et dans le Coran, le terme nida est employé de la même manière que le terme dua. Hein? Comme par exemple quand il parle des prophètes, il dit وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ, c'est-à-dire Nuh, il nous a appelés, c'est-à-dire il nous a invoqués. Hein? À propos de Maryam, hein? Ou bien plutôt à propos de Zakaria, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate Maryam إِذْ نَادَانَا, hein? Ou bien binida en khafiya, C'est-à-dire avec une invocation qui est yani, à voix basse. Donc c'est pour dire, ou bien, yani, disons qui, c'est pour dire que le terme nida, il est employé dans le Coran de la même manière que le terme dua. Donc eux, ils disent quoi? Ils disent, est-ce que si tu appelles quelqu'un là, comme par exemple, un frère qui est là par exemple, et tu lui dis, ya akhi, ferme la porte. Ils disent, ça c'est un appel. Donc ça veut dire que tu as commis du shirk. Parce que tu dis que d'appeler quelqu'un en dehors d'Allah, c'est du shirk. donc on est des mushrikines quand on demande à quelqu'un, on appelle quelqu'un, on dit, ya akhi, fais ça pour moi. Et donc, ça c'est pour montrer leur égarement, yani, comment ils jouent avec les mots, comment ils jouent avec les choses. Déjà, tu demandes à quelqu'un qui est présent et qui est vivant de faire quelque chose pour toi, ça c'est mubah, c'est permis, c'est pas interdit. Donc que dire de la personne donc qui compare ça avec le fait de demander à un mort et d'appeler un mort, hein? Eh oui, il est fou, exactement, parce qu'il y a aucune comparaison entre les deux. Et il y a la choubha que je vous ai mentionné la dernière fois, que parfois ils essaient d'utiliser le fait que on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant dans sa tombe. Donc ils disent, donc s'il est vivant dans sa tombe, ça veut dire que on peut lui demander des choses. Mais on sait que là, comme j'ai dit, comme j'ai expliqué, comme les ulama ont expliqué, yani, la vie du barzakh, c'est pas comme la vie de la dunya. Et celui qui est mort dans sa tombe, il ne peut rien faire pour les vivants. De même que les vivants ne peuvent rien faire pour lui, hein. Donc il ne faut pas mélanger. Et quand Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand on lui envoie le salam, hein, ou quand on dit sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui remet son âme pour qu'il nous renvoie le salam, non, ça c'est vrai. Il y a un hadith qui dit ça, qui est authentique, et que quand on envoie le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui remet son âme pour qu'il réponde au salam. Mais ça, c'est pour le salam seulement. C'est pas pour toutes les demandes que quelqu'un veut faire et demande au prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond non. Ça, c'est pas mentionné dans les hadiths. Donc, des gens, ils prennent un hadith qui parle d'une chose spécifique ou d'un contexte bien spécifique et ils l'extrapolent de ce hadith des choses qui n'ont aucun rapport avec. Comme le fait de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous aider, de nous donner des choses. Et ça, c'est seulement Allah qui peut le faire. Et surtout, même si tu demandes à un vivant quelque chose, mais que cette chose-là, c'est seulement Allah qui peut le faire, ça aussi, c'est du shirk. Comme par exemple, quelqu'un qui est présent, qui est vivant, là, comme les soufis, à parfois, ils demandent à leur cheikh, « Oh cheikh, fais-moi entrer au paradis. » Ça, c'est seulement Allah qui peut faire entrer au paradis. Tu demandes ça à ton cheikh, ça veut dire que tu commets du shirk en faisant ça. Parce que tu demandes à ton cheikh ce que seulement Allah peut faire. Ou il y a des choses de ce genre. Donc il faut pas mélanger les choses, il faut bien clarifier. Maintenant on va expliquer un autre point. Le cheikh il dit al-mas'ala ath-thaniya la dalil ala jawaz at-tawassul bi dhawat al-makhluqat. وليس مع من أجاز التوسل بذوات المخلوقين دليل سليم فالأدلة إما صحيح غير صريح بل لا دلالة فيه وإما دليل غير صحيح من جهة الإسناد. Donc exactement ce que j'étais en train d'expliquer. Le cheikh dit, la deuxième question qu'il faut savoir et qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui permettent de faire le tawassul à Allah en mentionnant le nom des créatures, hein, ils n'ont aucune preuve authentique. Il n'y a pas de preuve dans le Coran pour faire ça, et il n'y a pas de preuve dans les hadiths authentiques pour justifier cette action-là. Tu demandes à Allah par le nom d'une créature. Ça, c'est pas prouvé dans rien de qu'est-ce qui est authentique dans la Sunna. Et il dit que celui qui rend ça licite, qui permet de faire ça, hein, de demander à Allah en mentionnant le nom du prophète ou le nom d'une créature, ils n'ont aucune preuve correcte. Et les preuves qu'ils mentionnent sont de soit des hadiths qui sont authentiques, mais qui ne sont pas explicites, c'est-à-dire qu'ils n'indiquent rien par rapport au sujet qu'ils essaient de prouver, C'est-à-dire, il mentionne le hadith, mais le hadith ne parle même pas de ce sujet-là, ou bien il n'y a pas de preuve qui justifie ça dans le hadith en question, ou bien que c'est une preuve qu'il ramène qui n'est pas authentique du tout. Quand on regarde dans la chaîne de transmission de ce hadith, on voit que le hadith n'est pas authentique, il n'est pas sahih. Donc c'est soit un ou l'autre. Soit que le hadith en question il est authentique, mais qu'il ne parle pas de ce qu'ils veulent prouver eux, ou bien que le hadith est faible, en partant, il est daïf, ou il est maudour, ou il est munkar, et il l'utilise alors que ce n'est pas une preuve. Donc le cheikh il donne des exemples. Il dit فمن ذلك الاستدلال على التوسل بالذوات لحديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. بعض الناس يعتقد أن هذا التوسل هو بجاه العباس وهذا ليس بالصحيح بل هذا التوسل إنما هو بدعاء العباس رضي الله عنه كما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة كانوا يأتونه صلى الله عليه وسلم في حال حياته ويتوسلون به أي يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم. Donc le cheikh donne l'exemple et il dit parmi les exemples de semblants de preuves, qu'est-ce qu'il ramène pour essayer de justifier le fait de faire la demande à Allah par le fait de mentionner le nom d'une créature, il ramène comme exemple, qu'est-ce qui est rapporté selon Anas dans Sahih al-Bukhari, que Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il y avait une sécheresse, il faisait la pluie, la demande de la pluie, la prière de la demande de la pluie, et il le faisait en faisant le tawassul par Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, comme on a mentionné l'exemple de ça dans les cours précédents. Alors il disait, oh Allah, dans le passé nous faisions le tawassul à toi, on te demandait on faisait le tawassul vers toi par notre prophète et tu nous faisais tomber la pluie, tu nous donnais de la pluie. Maintenant on fait le tawassul vers toi par l'oncle de ton prophète, alors donne-nous la pluie. Et ils recevaient la pluie. Donc, le problème, dans ça, c'est un hadith qui est authentique. Et il est clair qu'à l'époque, ils faisaient le tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après, ils faisaient le tawassul, ils demandaient la pluie par l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le terme, il est clair. Mais le problème, c'est que le cheikh, il dit, certaines personnes croient que le tawassul qui est mentionné dans ce hadith, c'est par le degré ou le statut de Al-Abbas, l'oncle du prophète. Alors que ce n'est pas ça qui est dit dans le hadith ici. Qu'est-ce qui est dit? C'est-à-dire qu'il demandait de faire le tawassul dans le sens qu'il demandait à Al-Abbas de monter sur le minbar et de faire le dua pour que Allah fasse tomber la pluie. C'est ça le tawassul. Que tu dis à quelqu'un qui est pieux ou que tu considères comme étant pieux, de faire un dua à Allah pour toi. Donc, quand à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, oh messager d'Allah, invoque Allah pour nous, pour qu'il fasse tomber la pluie. C'était ça de faire le tawassul par le prophète, ça veut dire de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était vivant, de faire un dua pour eux. Mais eux, non, ils comprennent que de faire le tawassul par le prophète, après sa mort, ça veut dire soit de demander à Allah par le prophète, c'est-à-dire tu dis, oh Allah, donne-nous la pluie par ton prophète, ou bien ils pensent, et ça c'est une bid'a, ou bien ils pensent que tu dois demander directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe, alors qu'il est mort, et ça c'est du shirk majeur. Donc ils ne comprennent pas l'expression, en fait, qu'est-ce que signifie de faire le tawassul. Et il l'interprète par quelque chose qui est shirk ou qui est bid'a. Et c'est pour ça qu'il tombe dans l'erreur. Mais il n'y a aucune preuve pour eux dans ce hadith-là, puisque l'autre hadith explique ce hadith. Puisque l'autre hadith explique que ils allaient voir Al-Abbas et ils demandaient à Al-Abbas de faire le dua et d'invoquer. Ils disaient « Qum ya Abbas, lève-toi Abbas et fais dua. » Et les gens faisaient le dua avec lui. Et la même chose que le hadith de Yazid ibn al-Aswad. On a mentionné l'histoire de Muawiyah radiyallahu anhu avec Yazid ibn al-Aswad. Quand il faisait le tawassul par Yazid ibn al-Aswad, ça veut dire qu'il disait à Yazid ibn al-Aswad de venir et d'invoquer Allah, de demander à Allah de faire tomber la pluie. Donc, c'est pas de faire le tawassul en disant « Oh Allah, je te demande par Yazid ibn al-Aswad ». Ça, c'est bid'a. Ça, c'est pas ça le tawassul qui est mentionné dans le hadith. Donc, il déforme le sens du hadith. Hein? Après, le sheikh, il dit « Wa kama ja'a fi hadith al-Arabi ». Hein? كما جاء في حديث الأعرابي الذي جاء إلى المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم فدعا الله فسقوا ثم جاء الأعرابي الجمعة التالية فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع الطرق وتهدم المباني وطلب منه أن يدعو الله لهم ليمسك عنهم الأمطار فهذا هو التوسل المشروع. Donc le cheikh il explique, il dit comme ça a été expliqué le fait que de faire le tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était fait de la façon que les sahabas venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie et lui demandaient de faire dua à Allah pour eux. Et la preuve de ça c'est justement dans le hadith. Lorsque l'exemple du Bédouin qui est venu à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Jumu'ah, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire la khutbah sur le mimbar, et il est venu dans la mosquée, il a dit « Oh messager d'Allah, il y a de la sécheresse et les enfants ont faim, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien, invoque Allah pour qu'il fasse tomber la pluie. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le dua et la pluie est tombée. Le Jumu'ah suivant, l'homme, le bédouin est revenu et s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les chemins étaient impraticables à cause de la pluie, il y avait trop de pluie et que les maisons commençaient à se détruire parce que les maisons sont construites en terre. Donc s'il y a de la pluie, ça commence à se détruire. Hein? Et ainsi de suite. Donc il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour qu'il fasse cesser la pluie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le doua pour que la pluie cesse. Donc c'était ça de faire le tawassul de la manière qui est légiférée. C'est de demander à quelqu'un qui est présent et qui est vivant de faire l'invocation pour toi. Hein? Et non pas de demander par le nom de la personne. De demander à Allah par le nom de la personne, ça c'est pas le tawassul. Et le cheikh il dit « Wa ta'ammal » كيف عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه لعلمه أن التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته متعذر لأن الدعاء منه صلى الله عليه وسلم لله تعالى عبادة لأن الدعاء منه لله عبادة فهي عمل قد انقطع بعد موته صلى الله عليه وسلم. Et donc le cheikh il dit parmi les éléments qu'il faut observer et méditer justement sur leur signification qui prouve même le sens de ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que regardez Omar ibn Khattab quand il a fait le tawassul par l'oncle du prophète صلى الله عليه وسلم. C'est la preuve même qu'on n'a pas le droit de faire le doua. On n'a pas le droit de faire un doua en demandant à Allah par le nom d'une personne ou par son statut. Puisque si c'était permis de le faire, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi Omar ibn Khattab aurait fait le tawassul par l'oncle du prophète au lieu de le faire par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire que pourquoi Omar ibn Khattab aurait fait le tawassul si c'est le tawassul des soufis là, le fait de demander à Allah par le nom de quelqu'un, si c'était ça qu'il voulait dire par le tawassul, pourquoi ils n'ont pas demandé directement de faire le tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi Omar ibn Khattab a fait par l'oncle du prophète qui est plus élevé en degré, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Qui? Lequel des deux? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de question. Exactement. Donc, pourquoi mettre de côté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et demander par son oncle, alors que tu peux demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement en disant « Oh Allah, je te demande par ton prophète, si c'était ça qui était permis de faire. » Hein? Pourquoi pas avoir utilisé cette formule plutôt que d'utiliser la formule « Oh Allah, je te demande par l'oncle de ton prophète. » Alors que il croit que c'est permis de le faire par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la preuve que le tawassul dont on parle dans les hadiths, c'est pas le fait de demander à Allah par le nom de quelqu'un ou par son statut, mais plutôt de demander à quelqu'un qui est vivant de faire un doigt pour nous à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawassul qui est permis, et c'est ça qui est sunnah. Donc le cheikh il donne cet exemple là et il dit que justement si c'était permis de faire le doigt en demandant à Allah par quelqu'un, par le statut de quelqu'un, il l'aurait fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même après sa mort. Mais, étant donné que le dua à Allah, c'est une adoration, et qu'une fois qu'on est mort, après la mort, c'est fini, on ne fait plus d'adoration après la mort. Donc, dans ce cas-là, c'est clair que le tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, c'est plus possible. Et c'est pour ça que Omar ibn al-Khattab a demandé de le faire par l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en demandant à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants. Il dit wa mimma yubtilu hamla athari Omar radiyallahu anhu hadha ala at-tawassul bil jah ma dhakarahu al-hafidh ibn Hajar rahimahullah min صفة دعاء العباس حيث ذكر الحافظ أن الزبير ابن بكار ابن بكار أخرج في كتاب الأنساب له أن العباس لما استسقى به عمر قال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب نواصينا بيدك نواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. فهذا هو التوسل الذي طلبه عمر وغيره من الصحابة من العباس رضي الله عنه طلبوا منه أن يدعو الله لهم. Donc le cheikh il dit, et parmi les choses qui montrent la fausseté de ce qu'il prétend à propos de la demande de Omar ibn al-Khattab lorsqu'il a demandé à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le doigt pour eux, et la preuve que ce n'était pas par le statut de Al-Abbas, c'est ce que Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah a mentionné lorsqu'il a décrit dans son livre Al-Ansab, selon Az-Zubayr ibn Bakkar, que ils ont décrit le doigt que Al-Abbas a dit ce jour-là lorsque Omar a demandé à Al-Abbas de faire dua pour demander la pluie. Et qu'est-ce qu'il a dit à Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son dua? Il a dit « Oh Allah, il n'y a pas un malheur qui tombe sur les gens excepté à cause d'un péché. Et un péché n'est pas découvert, ou ne sera pas enlevé, on n'aura pas la délivrance de ce malheur-là, tant qu'on ne se sera pas repenti. Donc, les gens se sont tournés vers moi pour que je te demande à toi, les gens se sont dirigés vers moi pour que je te demande à cause de ma place vis-à-vis de ton prophète. C'est-à-dire à cause de ma position vis-à-vis de ton prophète, du fait qu'il est son oncle. Et donc, voici nos mains qui sont tournés vers toi, voici nos mains qui sont élevées vers toi avec nos péchés, et nos toupets sont à toi, c'est toi qui les tiens, avec notre repentance, accepte donc notre repentance et fais tomber la pluie sur nous. Donc, c'est ça ce qu'il a demandé à Allah. Il a fait un doigt à Allah, subhanahu wa ta'ala, Donc, on voit clairement ici qu'il n'y a pas le fait de demander yani, à Allah par l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou par son statut ou des choses comme ça. Hein? Et il dit ici wa huwa at-tawassul alladhi talabahu Umar. Et ça, c'est le tawassul que Omar a demandé, ainsi que d'autres sahaba ont demandé à Al-Abbas, hein, parce que c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un lien de parenté entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on sait que le lien de parenté dans l'islam, le lien de parenté, il a son poids, hein, silatul rahim, il a une importance dans l'islam, hein. Ensuite, il y a aussi un autre exemple. Il dit كيف يقال إنهم توسلوا إلى الله بجاه العباس وذاته حاشاهم من ذلك. Et comment on pourrait prétendre qu'ils auraient fait le tawassul en demandant à Allah par le degré ou le statut de Al-Abbas et par sa personne. Yani, jamais on pourrait dire une telle chose des sahaba. Il dit وقد أخرج الإسماعيلي في مستخرجه عن الصحيح على الصحيح هذا الحديث بلفظ كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به فيستسقي لهم فيسقون فلما كان في إمارة عمر إلى آخره فهذا فيه دلالة صريحة على أن توسلهم به صلى الله عليه وسلم كان حال حياته. Donc, le cheikh, il dit que l'imam al-Ismaili, il a un mustakhraj qu'il a écrit, dans lequel il a ramené des hadiths authentiques, et il dit, il a rapporté ce hadith-là, yani, al-mustakhraj, yani, des hadiths qui ne sont pas rapportés, ou bien qui sont... Mustakhraj, c'est les hadiths qui sont dans le sahih, si je ne me trompe pas, yani. Ça fait longtemps que je n'ai pas relu ça. C'est des hadiths qui ne sont pas rapportés dans le sahih, mais qui sont sahih. Je pense que c'est ça la signification, si je me rappelle bien. Et qu'est-ce que ça dit? Il y a une autre version de ce hadith qui mentionne donc que lorsqu'ils avaient yani, la sécheresse à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la demande de la pluie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ils allaient lui demander d'invoquer Allah pour eux, et à ce moment-là yani, Allah subhanahu wa ta'ala faisait tomber la pluie et ils avaient la pluie, donc parce qu'ils demandaient à Allah pour eux. Puis quand c'était l'époque de Omar, lorsqu'il était le khalifa, ensuite fi imarati Omar, c'est-à-dire lorsqu'il était l'amir, il a akhirihi. Donc on voit dans cette version-là, on voit clairement qu'on parle de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était vivant, il faisait le istisqa, demandait la pluie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le dua, hein, à Allah pour qu'il invoque pour eux la pluie, pour que Allah fasse tomber la pluie. Donc ça, c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était vivant, il faisait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette façon. Puis à l'époque de Omar, c'était par l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour dire que c'était clairement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était durant sa vie qu'il le faisait auparavant, puis qu'après, c'était après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait par l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça clarifie la question encore plus. Il dit « ومن الشبه في هذا الموضوع الاستدلال بحديث عثمان بن حنيف وهو أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك فقال ادعوه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضي لي اللهم شفعه في يشفعه في قال ففعل الرجل فبرئ أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح وهذا الحديث لا حجة فيه على التوسل بالذات بل هو توسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته وهو توسل مشروع ويدل على هذا أن الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت ثم إن الأعمى أصر على النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الدعاء بقوله أدعو ثم أيضا قول الأعمى في دعائه اللهم شفعه فيه يعني ينفي التوسل بالذات إذ الشفاعة هي الدعاء والمعنى اللهم اقبل شفاعته فيه صلى الله عليه وسلم أي دعاءه فيه وقد ورد في بعض روايات الحديث اللهم شفعه فيه وشفعني فيه فكيف تكون شفاعة الأعمى له صلى الله عليه وسلم والمعنى اقبل سؤالي لك في أن يشفع فيه نبيك فكل ما تقدم يدل على أن قول الأعمى اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة فيه محذوف تقديره أسألك وأتوجه إليك بدعاء نبيك عليه الصلاة والسلام donc ici le cheikh il ramène une des shubuhat que les soufis ramènent souvent. Et ça, c'est une des choubouhats qu'il lance souvent aux gens qui ignorent le sujet et la question du tawassul. Et ils essaient de les mélanger avec ce hadith-là. Et c'est le hadith de Uthman ibn Hanif qui dit que, yani radiallahu anhu, qui dit qu'il y avait un homme aveugle qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit, invoque Allah pour qu'il me guérisse. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu veux, je vais invoquer Allah pour toi, mais si tu veux, tu vas faire, mais plutôt, si tu préfères, tu vas être patient, et c'est mieux pour toi. Et alors l'aveugle a dit, invoque-le. C'est-à-dire, invoque Allah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de faire le wudu, et de bien le faire, puis de prier deux rak'at, et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, en disant la chose suivante, dans son dua. Oh Allah, je te demande et je me dirige vers toi par ton prophète Mohammed, le prophète de la miséricorde. Ô Mohammed, je me tourne vers toi, je me tourne à toi vers mon Seigneur dans mon besoin que j'ai pour que tu le règles pour moi. Ô Allah, accepte son invocation pour moi. Ô Allah, accepte son intercession en ma faveur. Et il a dit, et il l'a fait, et l'homme a été guéri. Et il l'a fait, et l'homme a été guéri. Et ça, c'est rapporté par l'imam Ahmad, et d'autres, avec une chaîne de transmission qui est authentique. Oui, bien sûr, même que guérir des aveugles par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala, oui. Et même qu'une fois, Ali ibn Abi Talib, il avait mal aux yeux, ou il avait une maladie dans ses yeux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis un peu de son crachat dans ses yeux. Et il a été guéri. Donc ça fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est possible. Mais c'est pas ça le problème. C'est que eux ils utilisent cette histoire pour essayer de dire, regardez, il a invoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il a demandé à Allah par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, ils pensent que ça, c'est, yani, qu'est-ce qui est voulu dire, qu'est-ce qui est voulu dans ce hadith-là? Que tu as le droit de demander à Allah par son prophète. Alors que c'est pas ça du tout. Là, c'est pas du tout qu'est-ce que eux s'imaginent par rapport à ce hadith-là. Et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Le cheikh, il dit, le hadith, il n'y a pas de preuve pour eux pour justifier le fait de demander ou de faire le tawassul par une personne en mentionnant son nom. Quand on demande à Allah, dit, oh Allah, je te demande par ton prophète. Il n'y a pas de preuve pour ça dans ce hadith-là, même si c'est ce que ces gens-là essaient d'utiliser comme preuve. Et la raison, c'est la suivante. Il dit, au contraire, ici, on voit que c'est un tawassul par l'invocation du prophète, mais non pas par sa personne. Et c'est ça, en fait, la question qu'eux, ils ne comprennent pas, la différence entre la subtilité qu'ils ne comprennent pas. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le fait de dire « je fais le tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam », ça veut dire, en fait, quand tu dis « par le prophète sallallahu alayhi wa sallam », ça veut dire, en réalité, par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut faire d'invocation pour quelqu'un que lorsqu'il est vivant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, donc il ne peut plus faire. Mais à l'époque de cet aveugle-là, eh bien, il était vivant. Et c'est pour cette raison-là, justement, qu'il a fait le tawassul à Allah par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire par son doua, par son invocation. Et c'était durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, c'est une forme de tawassul qui est légiférée et qui est permise. Et le cheikh, il donne les preuves de ça dans le hadith. Il dit, parmi les choses qui prouvent que c'est par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'aveugle a fait le tawassul, c'est que l'homme, premièrement, l'aveugle, il vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il lui dit, ô messager d'Allah, invoque Allah pour moi. Il lui dit déjà en partant, invoque Allah pour moi pour qu'il me guérisse, hein, qu'il me donne la vue. Donc déjà, ça c'est une preuve qu'il demande le doua. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a promis qu'il allait invoquer pour lui. Parce qu'il lui a donné le choix. Il dit, si tu veux, je fais le doua pour toi. Donc, il lui promet qu'il va faire un doua. Mais sinon, tu vas être patient, tu endures, et puis c'est mieux pour toi. Mais l'aveugle insiste. Et il persiste, et il insiste à demander le doua. Il dit, invoque-le. Donc, depuis le début, la question dans le hadith, c'est la question de demander au prophète de faire un doua. Et c'est ça le tawassul, de demander à quelqu'un de pieux de faire un doua. Et c'est ça ce que l'homme a fait. L'homme, l'aveugle, c'est ce qu'il a fait. Il est venu voir le prophète sans se me dire, « Oh, messager d'Allah, fais un doua pour moi, pour qu'Allah me donne la vue. » Il lui a dit, « Si tu veux, je te fais le doua, sinon tu vas être endurant, c'est mieux pour toi. » Il a dit, « Non, invoque Allah pour moi, fais le doua pour moi. » Il insiste. Alors, il a dit à l'homme de dire le doua suivant. C'est-à-dire, yani, de dire la parole qu'il a mentionnée dans son invocation. Lorsqu'il dit, « Oh Allah, je te demande et je me dirige vers toi par ton prophète Mohammed, le prophète de la miséricorde. Oh Mohammed, je te demande, je me tourne vers toi, hein, à ton Seigneur, ou yani, pour ton Seigneur, vers ton Seigneur, pour qui, pour, yani, dans ce besoin que j'ai, pour que tu le règles pour moi. » C'est-à-dire, pour que tu invoques Allah pour moi, pour qu'Allah me guérisse. Et à la fin, il dit, « Oh Allah, accepte son intercession pour moi. » C'est-à-dire, accepte le doua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire pour moi quand il va te demander de me donner ma vue. D'accord? Donc, tout ça ici-là, c'est un doua que l'homme fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il demande à Allah d'accepter le doua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire pour lui. Donc c'est ça le tawassul. En fait, il demande au prophète d'invoquer pour lui, puis après l'homme invoque pour lui-même et demande à Allah d'accepter le doua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire pour lui en sa faveur. Et l'homme, quand il a fait ce doua-là, il a été exaucé. Après avoir fait le wudu et après avoir prié raka'atayn. Donc, le cheikh, il dit, donc, on voit que l'homme, l'aveugle, il a dit dans son doua, « Oh Allah, shafi'hu fiyya », c'est-à-dire, yani, il ne fait pas le C'est-à-dire, le cheikh il dit ça, c'est nafiyut tawassul bid-dhat. C'est-à-dire, il nie que cette parole, quand il dit Allahumma shafi'hu fiyya, c'est-à-dire, accepte l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ma faveur. Ça, c'est une négation du fait que prétendent les soufis. Puisque eux, ils prétendent que c'est par le prophète, enfin, par sa personne, par son statut que l'aveugle a invoqué. Alors qu'en réalité, non. C'est par son invocation qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? C'est par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant. Et il dit, la signification de cette parole-là, c'est comme s'il dit, oh Allah, accepte son intercession pour moi, ou son intercession en ma faveur, c'est-à-dire le doigt qu'il va faire pour moi. Et dans certaines narrations du hadith, il y a un ajout qui dit, Allahumma shafi'hu fiyya wa shafi'ni fihi. Hein? Et, yani, shafi'ni fihi, c'est-à-dire, ou accepte mon intercession vers lui. Et le cheikh, il explique, il dit, كيف تكون شفاعة الأعمى له? Comment est l'intercession de l'aveugle auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, le cheikh, ça signifie, accepte ma demande, يعني اقبل سؤالي لك في ان يشفع في نبيك. C'est-à-dire, accepte ma demande que je te fais, que ton prophète intercède en ma faveur. C'est un peu compliqué quand on le lit comme ça. Mais, يعني, on comprend le sens de l'explication, c'est que accepte ma demande que je te fais, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède en ma faveur. Accepte ma demande que je te fais pour que ton prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède en ma faveur. Et il dit, wa kullu ma taqaddama yadullu ala anna qawla al-a'ma Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika nabiyir rahma. Donc quand on lit l'invocation que l'aveugle a fait, lorsqu'il dit, oh Allah, je te demande et je me tourne vers toi par ton prophète, le prophète de la miséricorde, il y a quelque chose qui est sous-entendu, c'est qu'il dit en réalité, oh Allah, je te demande et je me tourne vers toi par l'invocation de ton prophète, le prophète de la miséricorde. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Quand il dit je me tourne vers toi par ton prophète, c'est-à-dire je me tourne vers toi par l'invocation de ton prophète, ou bien par l'invocation que ton prophète va faire pour moi. Et c'est ça que eux ne comprennent pas, yani. Bidoua nabiyik, par l'invocation de ton prophète. Naam. Donc on a terminé maintenant, il reste juste la conclusion. Le cheikh il dit, وليس معنى القول بمنع التوسل بذات الأنبياء والصالحين أن ليس لهم قدر وجاه. Donc ça c'est un point important. Donc pour conclure, le cheikh il termine le livre en disant que c'est pas parce que on dit qu'il est interdit de faire le tawassul par les prophètes, c'est-à-dire par leurs personnes, par les hommes pieux, que ça veut dire qu'on nie qu'ils ont un statut ou un degré élevé auprès d'Allah. Hein? On nie pas ça. C'est pas parce qu'on dit faites pas un doua à Allah en demandant par le degré d'un prophète ou le degré des hommes pieux qu'ils n'ont pas de degré ou qu'ils n'ont pas de statut auprès d'Allah. Mais ça veut dire que si c'est interdit, il ne faut pas le faire. Et là, le cheikh, il explique. Il dit, « Ayyuhal ahibba, inna inkarana littawassul bihi, sallallahu alayhi wa sallam, ba'da mawtihi, wa kada attawassul bi ghayrihi min al-anbiya'i wa salihin, la ya'ni annana na'taqidu an la jaha lahum wa la qadr. Aw annana nubghidhum, kama yaqulu al-muftaroun. المفترون يعني حاشا لله، فهو صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أحب إلي من أنفسنا وأهلنا وأموالنا. ومنزلته صلى الله عليه وسلم منزلة رفيعة، إذ لا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم، ولا يصح إيمان أحد إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم، ولكن من محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن لا نعبد الله إلا بما شرع لنا عليه الصلاة والسلام. وهو صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الابتداع في الدين، وأمرنا بلزوم ما هو عليه صلى الله عليه وسلم وصحابته. Donc le cheikh il dit: Oh mes très chers frères que j'aime, sachez que notre condamnation du tawassul par le prophète صلى الله عليه وسلم après sa mort, en demandant à Allah par son nom ou bien en demandant à lui directement, hein, ou enfin, de faire le tawassul par autre que lui, parmi les hommes pieux et les vertueux, ça ne veut pas dire qu'on croit que ces hommes pieux-là n'ont pas de degré, n'ont pas de statut important auprès d'Allah ou élevé auprès d'Allah, ou que nous on les déteste comme certains menteurs essaient d'inventer à notre sujet. Hein? Certes, non. Parce que le prophète Anselme, au contraire, il est plus aimé de notre part que nous-mêmes, que nos propres personnes, que nos propres familles, que nos biens, hein, que tout ce qu'on possède. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un degré très élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque la foi de quiconque ne peut être correcte excepté s'il a cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa foi ne sera pas valable sauf si quelqu'un l'aime. Hein? Si quelqu'un n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas de foi. Mais en même temps, parmi les choses qui font partie de notre amour de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on ne doit adorer Allah que par ce qu'il nous a légiféré de faire. On doit adorer Allah uniquement par l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre l'innovation dans la religion. Et il nous a ordonné de nous accrocher à ce qu'il a suivi lui-même ainsi que ses compagnons. Donc le cheikh il dit: فالزيادة على ذلك هي النقصان والخسران وهي التي تتضمن القدح في النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيانه للشريعة المطهرة التي أكملها الله تعالى على يديه الشريفتين. فهذه العبارات التي تطلق وهي أن من لم يجوز التوسل به صلى الله عليه وسلم مبغض له افتراء ودجل، يراد به صرف الناس عن عبادة الله وحده ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اتباع الأهواء والآراء والاستحسان. Donc le cheikh il dit: donc le fait d'ajouter dans la religion, hein, ou bien de rajouter dans la croyance ou dans la pratique, ça c'est en fait une déficience et une perdition. Parce que ça implique une attaque et une insulte contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre la sharia. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a complété par les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on dit que on peut rajouter dans cette religion après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si on était en train d'accuser, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir trahi sa mission de transmettre le message. C'est comme si on disait que il n'avait pas fait son travail comme il faut et que la charia a été incomplète et qu'il faut la compléter après lui. Donc ça c'est pas permis. Et ce genre d'expression, hein, qu'on entend de la part de certains parmi les soufis, hein, ou parmi les chiites, ou parmi des gens des gamins, qui disent que celui qui ne permet pas de faire le tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'il déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça c'est un mensonge, et c'est des fausses accusations. Et le but de ces accusations-là, c'est de détourner les gens de la vérité, de détourner les gens de l'adoration d'Allah seul et de, du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le fait de suivre les bid'ahs et les passions et les opinions, hein, et les garments et les bid'ahs et le shirk. Donc le cheikh il dit wa khudh suratan wadihatan tubayyin laka anna ta'zim an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa tawqirahu innama yakunu ala ma jaa bihi ash-shar la bima amlahu al-hawa. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه ما كان أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك أخرجه الترمذي. فالقيام فيه تعظيم للداخل وإظهار المحبة له ومع ذلك تركه الصحابة رضي الله عنهم لما يعلمون من كراهته أو من كراهيته صلى الله عليه وسلم لذلك. فهل يقال إن الصحابة لا يحبونه صلى الله عليه وسلم؟ حاشاهم من ذلك. Donc le cheikh il donne un exemple. Il dit prenez un exemple clair qui vous explique le statut et la grandeur du prophète صلى الله عليه وسلم et son respect, et vous allez voir que le respect c'est uniquement selon ce qui a été légiféré et non pas ce qui est dicté par la passion. L'exemple que on a dans le hadith qui est rapporté selon Anas ibn Malik, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Anas radiallahu anhu, il dit il n'y avait personne qui était plus aimé de nous, hein, où il n'y a personne qui était plus aimé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de notre part. Et lorsqu'il le voyait, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rentrait et qu'il le voyait, il ne se levait pas pour l'accueillir. Pourquoi? À cause du fait qu'il savait la haine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour cela. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait ou qu'il approchait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait qu'on se lève pour lui. Il détestait ça. Alors à cause de ça, les sahaba refusaient de se lever. Ils ne se levaient pas quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait. Donc le cheikh, il rapporte ce hadith qui est rapporté par al-Tirmidhi, puis il dit donc, quand on se lève pour quelqu'un, quand il rentre, c'est pour montrer du respect, non? N'est-ce pas? Ça, c'est pour montrer du respect. C'est pour montrer qu'on a de l'amour pour la personne. Et malgré ça, les sahaba, ils le laissaient, ils ne faisaient pas ça. Ils ne se levaient pas pour lui. Parce qu'ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait ça. Hein? Donc, est-ce qu'on va dire les sahaba n'aimaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Bien sûr que non. Mais ils le respectaient en respectant sa sunna. Et en respectant ce qu'il aime. Et en s'écartant de ce qu'il déteste. Hein? Donc c'est ça le vrai respect. Et donc ensuite le cheikh il dit ثُمَّ إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَذَّرَ مِنَ الْغُلُوِ فِي الدِّينِ وَإِطْرَائِهِ صلى الله عليه وسلم وَإِطْرَاءً يُفْضِي إِلَى الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَأَتِ النَّصَارَى ابن مريم فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. رواه مسلم عن عمر وعليكم السلام رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc le cheikh il dit puis ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti, il a mis en garde contre l'exagération et l'extrémisme dans la religion et le fait d'exagérer dans la glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière qui peut amener les gens à tomber dans le shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde à ce sujet-là et il a dit n'exagérez pas dans ma glorification de la manière que les chrétiens ont exagéré dans la glorification du fils de Marie, car je ne suis qu'un serviteur. Alors dites plutôt serviteur d'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est rapporté par l'imam muslim selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et ça c'est la fin du livre la fin donc de la risala. Donc on va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et inshallah, on va commencer la semaine prochaine un nouveau livre à partir de la semaine prochaine. Donc je vais vous donner les détails de ça inshallah demain inshallah. Oui, donc il y aura un autre cours qui va remplacer le cours d'aujourd'hui et le cours du dimanche inshallah. Donc subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وفيك بركة يا أخي.